D'après le Nan News sud-coréen, le comité de mesures urgentes de la zone industrielle de Gaesong a exprimé le 11 sa position d'effectuer opiniâtrement la lutte contre les autorités pour l'indemnisation de leurs pertes.